Albert Hoffman fait une découverte qui sera lourde de conséquences. Il isole le LSD dans le sclérote et le teste immédiatement sur lui. Malgré lui, il vient de découvrir la drogue qui animera les fêtes des années 60 et 70. Thank you. Bye.